Quand nous avons loué cette maison, vous deviez changer les fenêtres. Ça fait 3 mois que nous sommes là et les fenêtres ne ferment toujours pas. Oui, mais je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas ma faute. Bon, écoutez, une fenêtre, ça doit fermer. Nous ne pouvons pas rester avec de l'air qui entre partout. Nous sommes en décembre, c'est complètement fou. Et nous avons un bébé. Bon, je vais envoyer quelqu'un. Moi, j'espère. C'est urgent maintenant. Quelqu'un va venir demain, sans faute.